Chapitre 4. Ainsi, pour les hommes, le sommeil, pour les femmes, la préparation des aliments, les soins de la toilette, des intrigues plus ou moins transparentes, pour tous, la pipe et le tabac. Tels sont les éléments de la vie intérieure des Mpongwe. Des visites de case en case, des bavardages perpétuels, quelques transactions avec les Européens, un peu de pêche, la moins fatigante possible, complètent l'existence du village. Les grandes cultures se font aux habitations, la récolte du caoutchouc dans les bois, la traite de l'ébène, des dents d'éléphant et du bois rouge dans les villages, des autres tribus placées sur les lieux de production. La pêche se fait aujourd'hui au filet. Mais il y a peu de temps encore, on y employait un procédé qui a son analogue dans certaines parties de l'Europe et qui consiste à empoisonner ou tout au moins enivrer le poisson avec des substances végétales qui n'altèrent pas ses qualités comestibles. En Europe, c'est la coque du levant qui sert à cet usage. Au Gabon, c'est quelquefois une liane nommée onono, et plus souvent une belle légumineuse à fleurs jaunes, ligongo, que l'on cultive sur les habitations et qui aura sans doute suivi les migrations des tribus venues de l'intérieur. Rien de plus facile que cette pêche. Je l'ai fait pratiquer un jour devant moi dans une large nappe d'eau laissée au milieu des rochers de la plage par le retrait de la mer. Quelques poignées de feuilles y furent malaxées. Tout le menu fretin qui s'y trouvait monta immédiatement à la surface et mourut. Un moment après, une sorte de lamproie vint aussi bâiller au grand air et se laissa prendre avec la plus grande facilité. C'était tout ce que contenait le bassin, et malgré ce rapide empoisonnement, le poisson était excellent. Mais on comprend que ce procédé n'est applicable ni à la mer ni au cours d'eau d'un certain volume. Aussi, les Gabonais y ont-ils à peu près renoncé depuis que les Européens leur ont appris à garnir leur filet avec du plomb et par conséquent à en tirer un parti plus utile. Ces filets, bien tressés en général, sont en fil d'ananas et bordés d'une corde excellente que l'on fabrique avec les fibres d'un magnifique hibiscus, l'évonoué, belle plante tout à fait digne d'intérêt, qui croît abondamment au bord de la mer et dont les fleurs couleur de soufre rappellent celles du cotonnier. Du reste, ici, comme dans tous les pays chauds, les textiles abondent. L'ananas pousse des feuilles de plus de 2 mètres de longueur. L'écorce d'une belle amossée, l'ojono, sert à la fabrication des nattes. Le chanvre même réussit très bien. Il est vrai que ce n'est pas pour le rouir et le tisser que les Gabonais le cultivent, c'est pour en fumer les feuilles enivrantes. J'ai dit quels sont les produits qui alimentent le commerce du Gabon, commerce dans lequel le Mpongwe n'est en réalité qu'un intermédiaire, un courtier entre les Européens et les tribus de l'intérieur. Ce courtage est la plaie du commerce sur toute la côte. Les tribus de l'intérieur, qui seules produisent aujourd'hui, ont beaucoup de peine à se mettre en rapport immédiat avec nous, ou même ne le désirent pas, car les habitants du rivage leur ont inspiré une véritable frayeur des Européens. Menteurs effrontés, ceux-ci se posent en victimes de notre tyrannie, offrent pourtant leur entremise et, naturellement, se font payer cher leur charitable intervention. Les gens auxquels ils s'adressent usent de la même tactique aux dépens des tribus plus éloignées. Si bien qu'une dent d'éléphant qui vient de 40 lieues dans l'intérieur a passé ainsi de main en main, non pas vendue à chaque nouveau détenteur, mais simplement confiée, ce qui autorise chacun à réclamer une commission d'autant plus forte que son paiement ultérieur est fort aléatoire. La marchandise arrive donc au rivage grevée d'une série de droits de courtage non encore perçus qui en centuplent la valeur. Puis, le prix une fois payé par l'Européen au dernier courtier, non pas en argent, mais en denrées diverses, ustensiles ou étoffes, il fait retour vers le premier détenteur et doit lui arriver singulièrement amoindri si l'on songe à la série de retenues qu'il subit en route. Voilà en somme le commerce que fait le Gabonais. Fraudant sans vergogne les producteurs paouins ou bacalais, ils ne volent pas moins impudemment l'acheteur européen. Non pas précisément le négociant des factoreries, qui peut opérer à loisir, mais les capitaines de navires qui font leurs affaires eux-mêmes et au passage. Beaucoup de ces capitaines sont en compte réglé avec leurs courtiers et leur font des avances de marchandises, moyennant promesse d'une valeur égale des produits du pays, livrables à une époque déterminée. Rarement les conventions sont bien exécutées. Quand le capitaine revient, il ne trouve qu'une partie de son chargement. Le reste est encore sur pied, si c'est du bois rouge ou de l'ébène. On lui demande d'interminables délais. Il perd son temps et sa santé, et s'aperçoit souvent que ce qu'il a de mieux à faire c'est de perdre aussi ses avances et de partir. Dans le cercle où s'exerce l'autorité française, ses pertes sont restreintes, parce que le courtier sait très bien que sa personne répondra aux besoins de la loyauté de ses engagements. Mais hors de notre sphère d'action, le capitaine est bien souvent volé. S'il veut acheter au comptant, la tactique du Gabonais est bien simple. Il prétexte qu'il est à court de marchandises, cache au besoin celles qu'il possède, lasse l'Européen par une attente mortelle pour son équipage et pour lui-même, pleine de dangers pour son navire si l'hivernage approche, et l'oblige enfin d'acheter coûte que coûte. À ce métier de coquin, le Mpongwe ne gagne pas une grande fortune, car il faudrait qu'il y donnât une dose d'activité qu'il n'est pas capable de soutenir bien longtemps. Aller chercher en pirogue et souvent fort loin des billes de bois rouge ou d'ébène, les transporter à bord du navire européen, ce n'est pas un petit embarras. Aussi, après un coup de commerce lucratif, notre homme réalise-t-il bien vite son bénéfice, c'est-à-dire qu'il achète des esclaves et des femmes et se repose. Peut-être s'étonnera-t-on de cette manière de placer ses capitaux dans un pays français. Mais il ne faut pas perdre de vue que notre autorité, établie en vertu de transactions et non par droit de conquête, a nécessairement dû respecter les institutions du pays et se contenter d'en réprimer les excès. Il faut bien le dire d'ailleurs quant à l'esclavage, si l'on en excepte certaines tribus particulièrement guerrières et cruelles, il est rare que parmi les peuples africains, cette institution ait le caractère oppressif que lui a trop souvent donné l'impitoyable dureté des Européens. La distance qui sépare un esclave de son maître est ici moins grande, et la barrière n'est pas infranchissable. Un noir peut être l'esclave d'un autre noir, je ne dis pas d'un mulâtre, sans cesser d'être pour lui un homme. N'étant pas achetés comme les nôtres pour exploiter une grande entreprise, mais seulement pour aider leur maître dans les travaux assez restreints de sa maison ou de son commerce, les esclaves sont rarement surmenés et en définitive font partie de la famille. Voilà leurs conditions réelles. Mais à côté, il y a les abus. Le maître est superstitieux. Il croit aux empoisonnements et aux sortilèges. L'esclave est trop souvent la victime expiatoire qui l'immole à ses terreurs religieuses. L'autorité française a fait disparaître ses supplices partout où s'étend son action. Mais parfois encore, la chose n'est pas douteuse, les forêts lointaines couvrent de leur ombre de véritables sacrifices religieux. Les esclaves des Gabonais proviennent presque tous de l'intérieur et surtout des bords de l'Ogowai. Les uns ont descendu ce fleuve depuis la rivière Nazaré, branche septentrionale du delta qu'ils forment en se jetant à la mer, et sont arrivés ainsi jusqu'aux baraquons portugais et espagnols qui ont existé longtemps au Cap Lopez. C'est là que les Gabonais sont venus les acheter. Les autres ont été amenés directement du haut du fleuve à travers les terrains boisés qui le séparent des affluents du Gabon. Il y avait autrefois parmi ceux-ci des Paouins ou des Bacalais, mais le voisinage de leur tribu rendant leur évasion trop facile, les Mpongwe n'en ont guère gardé à leur service et se sont empressés de les céder aux négriers portugais. Il n'est pas douteux que ce petit commerce ne se fasse encore quelquefois dans notre voisinage, mais il ne porte jamais que sur un très petit nombre d'individus, et grâce aux forêts qui couvrent le pays, grâce à l'étendue du littoral, il échappe aux moyens de surveillance trop restreints dont dispose l'autorité française. Malgré une égalité qui n'est qu'apparente, les enfants qui résultent du mariage des Mpongwe avec leurs esclaves ne marchent jamais de pair avec ceux de race pure. S'ils veulent épouser une fille Mpongwe, ils sont mal accueillis. S'ils veulent lier une affaire commerciale, quelques actifs, quelque intelligent qu'ils soient, ils ne trouvent pas de crédit et réussissent difficilement. La tâche originelle les poursuit jusque dans leurs fils, et quoi que fassent ceux-ci, quelque succès qu'ils aient dans leurs entreprises, ils ne seront jamais grand monde, et forment vraiment une caste à part. Pour nous, Européens, qui ne faisons que passer à côté des Gabonais, sans nous soucier beaucoup de nous initier à leurs mœurs, nous saisissons difficilement les nuances qui établissent entre eux cette sorte de hiérarchie sociale. Elles existent pourtant, et les rares Mpongwe, qui peuvent se vanter de ne compter parmi leurs ancêtres ni boulot ni esclaves, tirent une singulière vanité de la pureté aristocratique de leur race. Il n'y a guère que quelques familles depuis longtemps dépositaires de l'autorité qui puissent soutenir cette prétention. Encore est-il fort heureux pour elles que la tradition soit seule ici chargée de transmettre les souvenirs du passé. J'aurais fait connaître suffisamment l'organisation de la société gabonaise quand j'aurais dit ce que sont les chefs qui la gouvernent. Chaque village a le sien, qui prend sans façon le titre de roi, qui est d'ailleurs, comme le plus modeste de ses sujets, un honnête trafiquant jadis vendeur d'esclaves, aujourd'hui marchand de toute espèce de denrées. Il n'y en a vraiment que deux ou trois importants. Ils exercent sur les autres une sorte de suzeraineté toute morale, qui n'a pour appui ni budget ni force armée, et n'en est pas moins respecté dans une certaine mesure. Ces chefs ne règnent pas de droit héréditaire. Ils sont élus par le suffrage de leurs concitoyens, qui les choisissent toujours dans une famille royale. Ces élections donnaient presque toujours lieu autrefois à quelques désordres, et il n'était pas rare, il paraît, que les compétiteurs et leurs partisans en vinssent aux mains. Querelles qui d'ailleurs n'ont jamais dû être bien sanglantes. Car les Gabonais, race aujourd'hui d'un naturel assez doux, n'ont jamais dû avoir des instincts bien guerriers, même à l'époque où ils ne s'abritaient pas sous la tutelle européenne. Maintenant encore, ces élections sont turbulentes, mais comme de l'assentiment même désintéressé, elles se font sous la surveillance assez paternelle de l'autorité française, il est rare qu'elles accompagnent de rixes sérieuses. Lorsqu'il s'agit d'un chef important, pouvant avoir un certain crédit sur ses concitoyens, c'est même presque uniquement le commandant français qui le désigne et c'est lui qui en réalité lui donne l'investiture. Cette ingérence dans les affaires purement indigènes n'était pas prévue, paraît-il, par les traités qui ont réglé notre établissement dans le pays. Mais elle a été la conséquence naturelle du désir qu'a chaque candidat de s'assurer notre appui et de l'espoir qu'il nourrit de voir sa déférence récompensée par quelques cadeaux importants. L'initiation au pouvoir n'est pas toujours sans amertume pour le nouvel élu, car bien souvent, la veille de son triomphe, ses futurs sujets lui font payer par des injures et des horions l'obéissance que le plus sincèrement du monde ils lui offriront le lendemain. Cette singulière manière de graver dans la mémoire de ses chefs le souvenir de leur modeste origine et de la commune égalité prouve que si le Gabonais est un médiocre courtisan, il ne manque pas en revanche d'un certain esprit de philosophie pratique. L'autorité des chefs Mpongwe se borne à bien peu de choses, aujourd'hui que notre présence exclut toute possibilité de querelle de village à village. Dans chacun de ceux-ci, la police leur appartient. Et le règlement des petites discussions qui surgissent entre les habitants leur est d'autant plus facile que quelques-uns d'entre eux, souches d'une nombreuse lignée, complètent le pouvoir qu'ils tiennent de l'élection par l'autorité toujours respectée du père de famille. Quant aux difficultés extérieures, elles sont le plus souvent réglées par le commandant français, et son rôle de grand justicier est loin d'être une sinécure, car ses administrés, fort peu respectueux de la propriété d'autrui, filoutent volontiers les gens des villages éloignés, comptant sur une impunité que la distance et l'absence d'une police bien régulière ne leur assurent que trop souvent. Le chef gabonais le plus important est aujourd'hui le roi Denis, vieillard vénéré des indigènes et entouré de la considération des Européens. Parlant tant bien que mal, comme beaucoup de chefs de la côte d'Afrique, plusieurs langues étrangères, le français, l'anglais, le portugais et un peu l'espagnol, il a été en relation pendant la période active de sa vie avec tous les peuples qui font du commerce au Gabon et à tous il a eu occasion de rendre quelques services. Il a facilité notre établissement par son influence et nous a toujours prêté l'appui de son crédit auprès de ses compatriotes. Aussi le gouvernement français l'a-t-il récompensé de son zèle en lui donnant la croix de la Légion d'honneur. Rome a également reconnu par une décoration les services qu'il a rendus à la mission catholique, à laquelle il a confié l'éducation de quelques-uns de ses enfants. Denis n'en est pas moins resté fétichiste comme par le passé, et je ne voudrais pas jurer qu'il ne fût pas à l'occasion quelque peu négrier. Ces décorations ne sont pas les seules preuves qu'il a reçues de la munificence européenne. L'Angleterre lui a fait don d'une médaille et de plusieurs splendides uniformes. La France a également pris soin de monter sa garde-robe, et peu de gens peuvent se vanter d'être aussi bien vêtus. Tout récemment, lorsqu'il s'est agi d'étendre notre autorité sur les populations du Cap Lopez, auprès desquelles sa renommée de prudence et de sagesse lui a donné un grand crédit, c'est lui qui s'est chargé de la négociation du traité, et dans cette occasion solennelle, il a pu, pendant près de 2 semaines, apparaître à ses sujets émerveillés, chaque jour dans un costume nouveau, et chaque jour plus brillant que la veille. Aujourd'hui en général français, demain en marquis de Molière, plus tard en amiral anglais, la tête invariablement ornée d'une perruque qui ne sert pas la partie de son costume à laquelle il attache le moins de prix, car cette parure n'est pas encore devenue parmi les chefs indigènes aussi banale que les uniformes militaires. Un regard encore assez vif, un mélange de finesse et de bonhomie, un air de dignité réelle bien rare chez les vieux noirs qui prennent volontiers pour ce sentiment l'expansion grotesque de leur vanité, font de ce patriarche gabonais une individualité assez remarquable. Formé depuis longtemps aux usages européens, il sait porter avec convenance et sans trop d'embarras ses magnifiques costumes, tout en vivant d'une façon très modeste, conforme d'ailleurs à la modicité de ses revenus. Il a le goût de l'hospitalité, fait avec cordialité les honneurs de son propre logis et s'est parfaitement distingué parmi ses visiteurs européens, ceux qu'attire chez lui un intérêt vraiment sympathique et ceux qui n'y sont conduits que par une importune curiosité. Il habite sur la rive gauche de la baie et en est le chef le plus influent. Si le roi Denis a perdu, à la préférence que nous avons accordée à l'autre côté de la baie, le bénéfice que lui aurait donné le voisinage immédiat des Européens, il y gagne assurément une tranquillité et une indépendance plus complètes. Peut-être même ce privilège n'est-il pas pour peu de choses dans la considération dont il jouit auprès des indigènes, considération qu'augmente encore son grand âge et qui s'étend plus loin qu'on ne pourrait le penser. J'ai été fort étonné, en effet, de voir son nom prononcé avec le plus grand respect dans plusieurs villages de l'Ogowai, avec lesquels lui et ses gens n'ont pourtant que très peu de relations. Lorsque j'allais dans ces villages en 1862 avec M. Serval, il nous fut facile de voir que nos relations d'amitié avec le vieux chef, célébré par nos interprètes, ne contribuaient pas peu à nous valoir l'estime de nos hôtes. Sa grande femme jouit des privilèges accordés à sa position et à la haute main sur les cultures des habitations et y réside presque constamment. Denis, attaché par une vieille habitude à une masure à demi écroulée, espérant sans doute qu'elle durera autant que lui, il vit avec une demi-douzaine de ses femmes et refuse d'habiter les cases vraiment confortables que ses fils lui ont bâties dans le voisinage. Peut-être se trouve-t-il mieux placé dans sa maison en ruine pour assister à la double décadence de sa fortune et de sa race. En effet, enrichi jadis par la traite, il vit aujourd'hui bien pauvrement malgré les secours du gouvernement français, et il voit en outre fondre autour de lui le peuple Mpongwe, comme au contact des Européens fondent et disparaissent toutes les races primitives. D'où vient cette dépopulation? Les causes que l'on a invoquées pour l'expliquer ailleurs paraissent ici insuffisantes. Point de guerre désastreuse contre les peuples voisines, pas de maladies épidémiques, pas de misère réelle. Reste l'abus de l'alcool et la débauche sans frein. Quoi qu'il en soit, cette diminution de la population Mpongwe est réelle et rapide, car elle frappe d'étonnement la plupart des officiers fort nombreux dans notre marine qui, ayant vu le Gabon à l'époque de notre établissement, y retournent aujourd'hui. Elle n'est pas du reste propre à cette race, et la tribu voisine des Boulous s'en ressent également. Heureusement, un sang nouveau paraît devoir rajeunir un jour ce sang appauvri, et la race Pawin, qui s'avance à grands pas de l'intérieur vers la plage, comblera les vides qui se font sans cesse autour de nous.